C'est le golf qui redémarre demain dans la plupart des clubs de golf au Québec, pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais au Québec. On en parle avec le directeur général du club de golf Lac-Saint-Jean, Junior Gélinot. Salut Junior! Salut Danny. Junior, effectivement, est-ce que d'abord, on devait être soulagé du côté du club de golf demain de Lac-Saint-Jean d'avoir l'annonce de la ministre la semaine passée. Est-ce que tu étais inquiet un petit peu dans l'ensemble de ne pas avoir de saison? Bon, pas vraiment, pas vraiment. Écoute, depuis le début, je l'ai dit, depuis le mois de mars, que je m'attendais à une ouverture entre le 15 et le 15 mai, le 1er juin. OK. Je me disais, d'après moi, ça va aller là à peu près. Fait que plus ça avançait, plus j'étais confiant. J'ai même pensé à un moment donné que ça virait peut-être un peu plus de bonheur autour du 11. Par contre, là, la situation avec Montréal, là, des dîners, là qui semblaient se dégrader très rapidement, m'inquiétait, parce que je savais qu'ils voulaient faire une annonce au complet, et non seulement par région. Fait que ça m'inquiétait un peu. À un moment donné, mais là, la semaine passée, c'est sûr que c'est un soulagement, là, puis qu'on a eu la réponse, puis surtout aussi là, que on savait un peu plus où on s'en allait, là, parce que là, on travaillait depuis des semaines sans savoir des dates, sans savoir où on alignait nos affaires. Et là, ça nous a permis de planifier nos choses pour être prêts là, pour demain à l'ouverture. OK. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est vous aviez le droit de commencer avant, tu sais, la fameuse corvée, et ainsi de suite, ou c'est ça commence demain, là, tout ça? Ah, non. Demain, c'est l'ouverture des terrains. Oui, on avait le droit là, de niveau de travailler. On avait des employés. On travaillait bon, un peu à personnel réduit. OK. Mais oui, depuis des semaines, parce que sinon, c'est jamais capable. S'il n'y avait pas eu de corvée, s'il n'y avait pas eu d'employés qui avaient travaillé encore, ce serait impossible. On aurait encore pour 2 à 3 semaines à la nourrir. OK. Puis Fait que là, non, là, c'est vraiment l'ouverture. OK. Puis comment que vous aviez, en réalité, comment que vous parliez de une semaine peut-être, en réalité? Oui, je te dirais à peu près une semaine. Oui, parce que nous autres, normalement, là, tout dépendait de la température, tout dépendait du Il n'y a pas fait de beau, printemps, là. etc. On ouvre entre le 5 et le 15 de mai. OK. Bon, malin, regarde, l'année passée, on avait ouvert le 12, et le printemps avait été mauvais, il y avait beaucoup de neige, puis bon. Fait qu'on avait ouvert tard, on avait le 12, mais tu ouvres le 2, 3, 4, 5 mai. Ou en avril, c'est rare, là, ça arrive peut-être une fois 10, 12 ans, là. Ouais. Que tu peux ouvrir en avril, mais encore là, tu n'es pas toujours dans les conditions optimales. L'idéal, normalement, c'est entre le 5 et le 10 de mai, tu es content quand tu ouvres dans ces dates-là. Fait que, tu sais, on peut dire, là, qu'on. Mettons, on aurait pu ouvrir la semaine passée, fait qu'on perd à peu près une semaine, l'équivalent d'une semaine. Parce qu'il n'a pas fait de beau, là. Pas en fin de semaine là, mais là, c'était pas beau, là. Il n'y aurait pas eu de Ah, là, choix. depuis 3 semaines, là, les 2, 3 semaines précédentes, là, à partir, il a commencé à faire beau jeudi passé. Pas Ouais. compliqué, là, la réalité, c'est celle-là. Avant ça, là, quelques journées ici et là, mais sinon, t'as pas beau. Fait que là, mettons que tu ouvres, puis tu te ramasses avec 3 mauvaises semaines de même, ben là, tu manques de l'argent, c'est bien sûr. Là. OK. Fait Là. que, mais là, mettons que depuis jeudi passé, là, théoriquement, là, ça aurait pu être facilement ouvrable, mais là, bon, ce qu'on fasse, faut vivre Ouais. avec cette situation-là. On est déjà quand même bien content d'ouvrir. Mais là, comment ça se passe, là, je veux dire, avec vous autres, là? J'imagine que vous allez avoir le droit de faire des tournois. Par contre, il n'y aura pas de souper, il n'y aura pas de l'après-golf. Ça, c'est une perte importante pour le club. Est-ce que vous avez estimé un petit peu les pertes de ce côté-là? Estimer, de dire, je te donnais un chiffre, j'ai de la misère de t'en donner un parce que on a plus refait un budget avec des prévisions que de dire on a calculé les pertes réelles financières, là, parce que ça englobe un paquet de choses. Mais oui, théoriquement, les tournois, mais les tournois sociaux, là, ils ont été cancellés au complet là, ou à peu près. C'est parce que souvent, ces tournois-là, ben oui, il y a le golf, là, mais l'après-golf est aussi important que le golf, là. Fait que ça fait en sorte que si tu élimines l'après-golf, ben là, automatiquement, la raison d'être du golf n'est plus là. C'est souvent, ben, pas souvent, tous les tournois, quand ils font ça, c'est pour des œuvres, là, pour aller chercher de l'argent pour des œuvres, mais c'est des entreprises qui payent. Qui paient leurs droits de jeu puis tout ça. Fait que ces entreprises-là, eux autres, bon, ben là, avec les difficultés financières, bon, ben, difficile d'aller solliciter aussi à Ouais. ce moment-là. Fait que ça fait en sorte que ces tournois-là ou à peu près tout vont être annulés. Fait que ça, c'est des grosses pertes pour nous, autant là, pour les droits de jeu, mais autant aussi pour le bar, le restaurant, etc. Nos mariages vont à peu près tout canceller ou vont canceller là, certains là, du mois d'août attendre pour voir un peu là, comment tout ça va virer, là, mais j'ai l'impression que tout ça va canceller aussi. On avait 7 mariages de cette Hey, ça aussi, ça fait mal, le OK. veux pas. Le grand week-end Pour nous golf, autres, hey, on oublie ça aussi, le grand week-end golf qui le s'en va. week-end golf, on l'a pas cancellé encore, on attend, nous autres, là, tu sais, OK. ça, c'est pas tout à fait pareil. Fait que ça veut pas dire que ça va être cancellé. Peut-être qu'il n'y aura pas la formule qu'on a d'habitude, là, la totale, là, si je pourrais Ouais. m'exprimer comme ça, là, mais il risque peut-être d'avoir quand même une formule sur quelques jours. Quelque chose comme ça, là. Ça, c'est des choses que pour nous autres, c'est nous autres qui avons le contrôle là-dessus, fait qu'on n'avait pas de presse d'annuler. Mais oui, là, je te dirais, il n'y a pas de pertes, là. Il y a des pertes qui sont très, Ouais. très, très importantes. Mais bon, on se considère chanceux. Il y a des sports qui pourront même pas, comme on dit, lancer leur activité tout au long de l'année, des festivals qui ont carrément cancellé. Fait que ça reste qu'on peut au moins dire on va essayer de limiter les dégâts. On va essayer de profiter un peu aussi de l'opportunité là qui se passe, qui se présente, parce qu'il y a du monde qui vont chercher à faire de quoi, là, tu sais, Oh, il y en a et qui c'est peut-être ça ils n'auront pas que de balle, ils n'auront pas de soccer, fait qu'ils vont vouloir faire un sport, ben, je crois qu'ils vont venir jouer au golf ou qu'ils feront d'autres choses, là. Ouais, puis je veux te dire, puis la semaine passée, je parlais avec Louis Aubin, puis la semaine passée, Louis Aubin, qui est le responsable de Golf Québec, puis il disait, ce sera au club d'être imaginatif et d'y aller avec des promotions pour remplacer ça. Est-ce que vous avez tabletté un petit peu, vous avez tabletté un peu les idées là-dessus? Est-ce que, parce qu'il va y avoir de l'argent disponible, parce que, tu sais, il va y avoir beaucoup plus de touristes, il n'y aura pas de touristes en région, et les touristes vont rester, il va y avoir moins de touristes aussi qui vont. Les gens vont rester plus dans la région, donc ça peut être gagnant de ce côté-là aussi. Des parties green fee, là, ça peut être Ben, ça positif peut être là-dessus. gagnant, mais ça peut être, tu sais, on sait qu'on va perdre aussi, puisque nous autres, on a quand même une bonne clientèle touristique de l'extérieur OK. qui vient jouer chez nous. Ouais. Celle-là, bon, on a hâte de voir, mais on risque peut-être de la perdre. Par contre, on peut peut-être être compensé par un nombre de golfeurs supplémentaires de notre région qui vont venir, qui vont jouer autour de la région. Fait que ça pourrait venir se compenser par ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses là que on gagne, mais qu'on repère de l'autre bord, puis qui compense par un, mais par l'autre. Fait que, tu sais, c'est ces choses-là, mais effectivement, il faut être imaginatif, il faut offrir des nouvelles promotions, il faut offrir des nouvelles choses pour attirer une clientèle qui est un peu à la recherche d'un sport, peut-être pour l'été. Puis bon, mais si ça va bien, on va les accrocher, puis on va les garder pour plusieurs autres années, là. À l'heure actuelle, le membership est-il semblable à l'année passée ou il y a eu le. Pas capable de te donner OK. un chiffre aujourd'hui, là, parce qu'écoute, on commence, là, puis les gens, là, ça commence aujourd'hui, puis demain, on va les voir, puis ils ont venu la semaine passée OK. pour devenir membre, tu sais, puis mais encore là, moi, ce côté-là, je le dis, je le répète encore, là, mais faut pas juste s'accrocher, j'ai dessus le même nombre de membres, c'est pas là-dessus, moi, que je. Moi, ce que je vis, c'est le nombre de parties jouées. Puis, tu sais, l'année passée, on a joué 17 000 parties. Il s'est joué 17 000 parties sur notre terrain. Ben, l'objectif, c'est sûr que là, bon, on perd les tournois, fait qu'on perd 1 000 parties là. Comment tout ça? Fait que, tu sais, si on réussit à aller chercher entre 16 000 et 17 000 parties de golf cette Ça va être un année, exploit incroyable. on va être très, très, très heureux. On va voir comment tout ça va arriver. Puis là, tu as des gens là, qui, les autres de leur bord, bon, peuvent être insécures un peu versus les mesures sanitaires qu'on va prendre. Là, les gens vont-ils être en sécurité? C'est fait que Est-ce ça, que ce côté-là, c'est important de rassurer. c'est les mêmes mesures, j'imagine, qu'ailleurs dans le Golfe Québec, donc faut que tu arrives une demi-heure Oui, avant. c'est ça. Les mêmes mesures en province. Là. Par contre, bon, certains peuvent être un peu plus. Moi, je dirais moins pointu sur certaines affaires, d'autres plus serrées, d'autres plus sévères là, en termes de nettoyage, etc., etc. C'est sûr que moi, de ce côté-là, on n'a pas voulu lésiner du tout. Là. On a une personne pratiquement à temps plein qui nettoyage des portes aux demi-heures, puis des Ah. poignées de portes, puis des comptoirs de salle de bain, puis des par tous les points de contact avec les clients, le nettoyage des comptoirs avec sur les comptoirs du lorsque les clients achètent des choses. C'est tout ça là qui parce que tu sais, quand on regarde là, moi, on va dans des commerces, tu vas dans une épicerie, puis c'est très sévère, tu vas dans un autre, puis whoop, là, c'est un peu plus ça l'est un peu moins, tu vas dans des dépanneurs. Mais bon, des fois, on se pose des questions sur pourquoi nous autres, on nous exige autant de choses que ça. C'est bien correct, là. Moi, je pense que c'est important pour la sécurité des autant des golfeurs que la sécurité des employés. Là, t'es là-dessus, on veut pas les, on les aimera pas pour nous autres à ce niveau-là. Mais bon, des fois, là, on se dit, là, tabarouette, là, ça fait tout que. Voilà, ça nous fait plusieurs choses à penser, mais bon, c'est le même, puis on va vivre avec ça, puis tu sais, au final, là, je reste à dire qu'il y a des bonnes choses aussi là, par rapport à ça qui vont ressortir, des éléments qu'il faut, qui étaient peut-être à ajuster, ou qu'il y avait, mais là, on va les mettre en place, puis on va être prêt pour demain, mais on va se donner peut-être une semaine là, pour se rôder comme il faut, puis c'est du nouveau pour tout le monde, autant pour le golfeur que pour nous autres, nos équipes d'employés, de réussir eux autres à s'organiser et avoir des nouvelles méthodes de travail, il faut se donner un peu de temps. Oui, c'est sûr. Puis dis-moi les promotions, ça commence. Bon, nos promotions, je donne un exemple, on a sorti une promotion 5 heures de cours pour l'initier des nouveaux golfeurs. 5 heures de cours avec un enseignant, 5 neuf trous avec 5 gros paniers de balles. C'est quelque chose qui coûte normalement 350 $ plus les taxes. Nous autres, on le met en promotion à 210 $ taxes incluses, plus les taxes. Fait que, tu sais, c'est des grosses promotions pour inciter justement les gens à venir puis on veut les accompagner là-dedans. On va sortir, là, dans les prochains jours pour les jeunes, là, pour la relève, là, des cours avec, des cours privés, des cours, ce qu'on attend, là, pour nous. On avait toujours, nous autres, nos camps de golf, là, qui fonctionnaient pendant la période de l'été. Là, mais là, on ne sait pas comment tout ça va virer. Je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y avait des annonces qui ont été faites au niveau des camps de jour. T'sais, on veut ça se baser un que peu ça là-dessus. S'en vient, bon, ça s'en vient. Fait que là, ça va être quoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là? C'est quoi le nombre de jeunes qu'on va pouvoir accueillir? Bon, etc., etc. Fait que ça, il va y avoir des promotions, mais on va sortir des choses même obstant ça, là, pour justement pour nos autant notre programme d'excellence qui fonctionne très bien. Fait que ça, on veut bonifier, mais les cours de groupe étant impossibles, en tout cas pour le moment, là, on planifie plus des cours individuels. Fait que faut y aller avec une nouvelle logistique, faut s'organiser. Déjà, nous autres, on avait fait des promotions aussi pour des forfaits 5-10, donc 5 parties de 18 trous, 10 parties de 9 trous, des 15-30, 15-18 trous, 39 trous. Déjà, on avait fait des ventes sur le web à la mi-mars, là, en plein cœur de la COVID. Donc, on a fait une là 2 semaines. Fait que, tu sais, la réception à ce sujet-là, dans ces promos-là, était vraiment incroyable. Là, les résultats étaient au-delà et plus des attentes. Fait que ça, pour nous autres, là, ça nous indique qu'il y a un engouement puis qu'il y a du monde qui même s'il n'y avait pas eu de COVID, il y aurait eu un désir de jouer au golf pareil, puis les gens avaient hâte de commencer la saison-là. Effectivement. Junior, on va se reparler comme on l'a fait toutes les 2 semaines à partir de bientôt. Bon, mais c'est super, mon ami, puis on se tient au courant de la suite. Puis entre-temps, ben, on invite là, les golfeurs à venir soit frapper des balles au champ de pratique, parce que le champ de pratique est ouvert, ou venir jouer une partie de golf, on les dit de réserver d'avance, parce que déjà, là, les prochains jours sont très, très occupés. Là. Ben bravo, puis surtout qu'il y a du beau temps, là, je veux dire, depuis une semaine, la température est bien, oui. Je regarde les 7 prochains jours, il n'annonce pas de pluie bien, fait que ça peut vous donner une chance aussi, là. Ben c'est ça, là, c'est sûr que la température, là, tu sais, même plus tard dans l'été, là, c'est une différence. Il fait 35 degrés avec une idée de 40, là, c'est dur d'amener du monde sur un terrain de golf, mais s'il fait 22, 23 nuageux, ben, ouais, pour nous autres, c'est excellent. Ouais. C'est tous ces facteurs-là qu'il faut mettre en considération pour, après ça, faire l'analyse des résultats qu'on obtient. Notre ami Junior Genoux, le directeur général du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean.